16-17. Observation, volonté. Vouloir et pouvoir. Révision et extension. Vous pouvez si vous voulez. Nous pouvons si nous voulons. Ils peuvent s'ils veulent. Tu peux si tu veux. Je peux si je veux. Elle peut si elle veut. On peut si on veut. Pour les esprits curieux et exigeants, vouloir bien. Est-ce que vous voulez bien me permettre? Est-ce que vous voudrez bien me permettre? Notez que voudriez est aussi une forme du verbe vouloir, souvent utilisé dans les formules de politesse. C'est une forme qui sera étudiée plus tard.